Dans tous les gens les connaissent. Quand vous verrez les choses que vous dites, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à prendre la tête. La situation de l'homme est déprimante. Mais déprimante, je crois, l'homme est venu dans certains détails parce que l'homme est 3 ou 4 ans, moi j'ai bloqué mon temps. Non, non, avec vous autres. On est prêts. Hein? On est prêts. Vous ce que vous allez savoir. On peut plus niaiser, se faire niaiser longtemps de même. Se faire niaiser par des égaux, là, qui ont des biens, là, qui tiennent pour d'autres. On peut plus niaiser. Les blocs. Ah, c'est très grave. Moi, ce qui me soutient dans mon travail, c'est que je pense pas. Si je pensais à chaque fois tout ça là. Je suis fusionné, je suis arrivé là-dessus. Ça va décourager? On ne peut pas se fier à rien. On ne peut pas se fier à rien. Tu peux rien te fier à eux autres. C'est grave. C'est les gens les moins avertis qui vont être les premiers à gueuler contre vous autres. C'est une histoire de l'homme, c'est ça. Qui se prend? Qui se prend, de l'homme, mon rien. Lui, c'est un petit peu plus résistant que vous autres. Vous autres, vous allez passer. Donc. Moi, mon le travail, c'est le temps. Il est fait. Bon, ouais, non, c'est bon, dis-le. Le grand bête. Ça vive, hein? Ah, mais tout n'est pas un cadeau, fait que ça, c'est dur, ça fait. On dirait que plus t'avances, plus je veux vous donner des mécanismes pour avoir les illusions. Les illusions, les illusions, les illusions. On dirait que je relaxe quand je fais ça. Pas pour l'ignorance des personnes. Ben, là, on se prend pour un autre, ben, même moi, je me prends pour un teint, je me prends pour tout. Ben, ça a déjà été dit, C'est toujours de même. C'est normal, c'est la nature humaine. C'est normal. Il faut que vous puissiez comprendre que c'est normal. Vous ne devez jamais défendre mon point de vue parce que vous ne pouvez pas défendre mon point de vue. Il faut que vous de votre propre vie à vous autres. Vous n'avez rien à défendre. Si vous avez à défendre, vous n'avez absolument rien à défendre. Vous n'avez pas l'énergie à défendre votre point de vue. Ben non, vous allez vous vider. Vous pouvez parler avec du monde, mais des gens, c'est pas parlable. Laissez tomber ça comme des patates chaudes. Je vais faire mon point de vue. C'est un point de vue. Je suis un point de vue. Mais mon expérience a été tellement douloureuse, je jouais tellement clair que j'ai pas d'illusion. de vouloir que vous autres, vous voyez clair la même. Mais j'aimerais ça que vous voyiez un petit peu. Comment ça va? Ça va bien, je suis content. Pas de ça, c'est pareil, c'est tout ça, je peux vous savoir. Quand vous dites que vous êtes bien à votre peau, je suis content. Elle, là, quand je parle avec notre carré, elle dit, ah, la grosse gueule, elle est contente. Je suis content. Parce que c'est rien que ça qu'elle a besoin. Je suis qu'un gars que vous voyez changer les idées. Je suis une toquille. On devient des vraies têtes de temps. Vous allez voir que quand on devient des têtes de temps. Derrière. Non, non. Oui, en tête de merde. Non, mon. C'est mon tour. C'est une finale. Ouais. T'as pas dit. Oh, ben, j'ai conseillé, moi, j'avais tout à fait. Dimanche, le 5, finale, il y a des finales. Oui, là, on a accroché à l'île. Ah oui. Il y a une différence fondamentale. Entre la sixième race et l'homme solaire. Puis je suis pas en grande liberté à cause de vous en parler. Parce que il y a des travaux qui sont dans le monde par des maîtres conclus avant que d'autres choses sortent. Des choses qui sont encore voilées et qui doivent demeurer voilées. Mais je vais vous donner un aperçu. Ces choses-là sont sorties. Encore. Ils n'ont pas été écrites. Mais l'homme solaire, ça pour vous vérifier ça par vous autres mêmes. C'est pas mal au bout. L'homme solaire sera. Souvent c'est dur d'entendre ça. L'homme solaire sera encore. Oui, mais comment ça s'appelle, Maurice, c'est quelque chose? L'homme de l'espace, l'homme solaire sera le noyau. La force vibrante, la sang. Quand on parle d'homme solaire, on parle de tous les hommes solaires. La conscience solaire. Manifestée dans ces hommes-là. Sera le noyau, le sang, la tête. De la sienne. Moi, j'ai un gros. L'homme solaire fera partie du gouvernement invisible de la sienne. Ah non. La sienne race, car c'est là un gouvernement. C'est l'homme solaire. L'homme solaire, c'est une race à part. L'homme solaire, c'est une race à part. Mais qui est venu précisément pour cette activité-là. Et les hommes solaires ne viennent pas de notre système. Autrement dit, les incarnations des hommes solaires sont des incarnations extérieures au système solaire. Et puis les hommes solaires sont des scientifiques. Les scientifiques dans l'éducation et les scientifiques en santé. Et ce sont ces hommes-là qui seront formeront le gouvernement invisible de la sixième race. Alors, pendant les années, on parlera de la sixième race. On a parlé d'ailleurs avant de la sixième race, mais on n'a pas parlé du gouvernement invisible de la sixième race. Les pères de la sixième race. Les fondateurs de la sixième race. Ils font voir la couronne des fondateurs qui vont être là. Oui. Tu vois, regarde, c'est des images. Seulement, ça vient d'en haut. C'est pas plus de mettre ton nez dans les affaires des autres. Quand ça vient de s'en aller, ça vient d'en haut. Quand tu cherches, ça vient d'en bas. C'est ça. Ça vient juste de la feuille. Te montrer jusqu'à quel point, quand ça vient d'en haut, tu as un libre accès à des choses. Si tu regardes dans mes yeux, tu vas voir quelque chose. C'est ça. Bien dit. Non, mais même à ça, on dirait que c'est pas dans toi, mais... Bien. Ça vient de ça? Non. Parce que tu n'as une très belle intelligence qui a dit. Mais, en fait, vous avez des facultés, et à cause de votre ignorance, vous avez trouvé votre liberté. Comment, pendant? Jusqu'à temps que vous sachiez. Attends que ça vienne d'en haut, puis là, ils vont te montrer énormément de choses. Par ça, tu vas pouvoir comprendre beaucoup de choses concernant l'avenir. Donc, avec quelqu'un, ça arrive une couple de fois que M. Lefebvre parlait. D'ailleurs, t'as la faculté de voir... Si j'étais avec toi ici, on jaserait, là. T'as la faculté de voir tout ce que je te dis. Mais j'en fais pas, mais... Pour que ça vienne. Quand tu parlais des commentaires, j'avais déjà trouvé la vieille loi. Maintenant. On est au cours des mois et des années qu'on va jaser, on va tout décortiquer à patate. Fait que là, ça va ouvrir vos sens, ça va ouvrir vos sens. Regarde quand je dis que dans la magie noire, c'est l'idée qui domine la force, puis dans la magie blanche, l'idée est un canal de la force. Ça vaut-tu la différence? Dans la magie noire, l'ego veut contrôler la force. Là, je vois un homme noir. Ouais. C'est ça. C'est moi. C'est ça. Dans la vie blanche, l'ego est un canard. C'est le bon lunette. C'est ça, le lunette grand. Quand je dis que la sixième race, éventuellement, se retournera vers la magie noire. Regarde. Oui, je vois ça. Regarde dans 800 ans, tu sais. Devront contrôler l'espace, l'atmosphère terrestre contre les évasions extérieures. Je vois ça longtemps. celui de tout pays. Les gens qui restent, là, ils sont de la conscience de 27 000 de 29, par les éducations de Montpellier. Je vois que les extraterrestres, les grands êtres, là où ils arrivent, avec ça, les grands êtres du Nord, viennent chercher les gens. Avec eux, pour les informer, les inscrire, du coup, là, ils viendront. Il faut préparer la qui viendra. Et là. La vraie louette. Ça, ça fait partie de son intelligence créative. Avouez ce que vous. Moi, elle prend l'énergie que fait la femme. C'est quoi qui en relève? Non. Je vois même la femme qui arrive, que tout ça, qu'elle est brûlée, qu'elle est en plus, qu'il y a la couleur de l'endroit. Puis, et je dis que les gens, là, sont ceux qui ont su développer la volonté de la force, là, pour combattre ça, là. C'est que il y aura des gens parmi vous autres qui vous serviront. Qui vous serviront. À vous faire passer à travers cette période difficile. Ces gens-là, vous les connaîtrez. Et

c'est difficile pour l'ego, je comprends. Ça peut pas être autrement. C'est votre protection, c'est votre stabilité, c'est votre... Ça fait votre capotomie. Là, ça vous mène vers la santé. Apprenez à être anonyme. Pas pour être anonyme, mais pour vous entraîner à vivre intérieurement vos vies. Ou à développer le tact dans vos conversations. Vous ne pouvez pas compter. Vous ne pouvez pas parler au monde. Vous ne pouvez pas compter vos vies à tout le monde. Ils vont rire de vous autres, puis avec raison. Apprenez à vivre vos vies. Vous avez du monde avec qui vous pouvez discuter de vos vies. Avec ces gens-là. Si vous avez avancé dans le temps, tous vos vies vont être anonymes, ils vont venir à un moment donné, vous pouvez se parler même au boulanger. C'est une façon de parler. Des quoi? Avec le temps, il y en a parmi nous autres qui auront certaines facilités. Il y en a qui chercheront à s'isoler à la campagne, ici, là, etc. Suivant vos activités. Mais, cherchez pas votre sécurité matérielle. Votre sécurité matérielle va venir par elle-même. Tout va venir suivant vos vibrations. Il va venir à un certain moment où vous ne pourrez plus vivre en ville. Ce sera plus vivable pour vous autres en ville. Vous allez faire un autre truc, mais vous allez vous poser des gens tranquilles. Et pour le moment, pour vous d'être en ville, vous allez aller écouter, c'est très bon, parce que ça vous fait développer de la résistance. C'est la meilleure place pour votre évolution, la ville. La province de Québec est en train d'être ici. Pas toute la province de Québec. Des individus de la province de Québec. Vous n'avez pas réalisé à vous que vous êtes en ici avec moi. Il y a une raison vibratoire pour ça, c'est pour créer une forme pour que vous la dépassiez, cette forme-là. Quand vous n'aurez plus, vous ferez un check. Vous ferez un check pour cet été. Le principe est dit, c'est que, le principe est dit, c'est que vous n'ayez pas de relation avec moi comme les hommes ont des relations avec les mères. C'est ça le principe. On est ici parce qu'on a à entendre et à vivre, et ceux qui n'ont pas été parce qu'ils n'ont pas besoin d'entendre. C'est une y en a qui me demandent des fois pourquoi tu ne parles pas de l'avenir de ça. Tu vas en parler de l'avenir, mais je ne veux pas en parler trop vite parce que votre état émotif, vos émotions, votre enthousiasme, votre imagination, vous charrie malgré vous-même. Vous n'êtes pas encore assez centré pour ne pas être charrié par demain. Aussitôt, vous parlez d'un visible, de l'extraterrestre, il développe une vibration. Une vibration, on la sent. Une vibration qui se développe. Faut que je la maintienne à un minimum de cette vibration-là. De toute façon, tu nous amènes par nous autres mêmes à la voie, là. Comme vous autres, là, vous puis les, là, vous parliez tout à l'heure, là. Vous deviez parler toute la nuit, c'est ça. Parce que ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Puis quand vous en faites de ça, quand vous parlez comme ça, vous allez voir qu'à un certain moment, vous allez avoir une tension vibratoire. Ça veut dire arrête. Ce qui arrive, c'est que vous allez perdre énormément d'énergie de parler de ces affaires-là. Ouais, c'est bon. Ça devient pesant. Quand vous sentez attention, là, ça veut dire que c'est le temps. C'est que vous avez de l'imagination. Vous vous parlez, ça fait vous créer l'égrégore. Vous vous sentez l'égrégore. Fait que si vous avez senti la vibration, je viens en haut, coupez. Après, je suis en train d'arriver à la tête. Ben, j'en dis n'importe où. Quand ça va bien, t'en parles. Quand ça va pas bien, t'en parles. Il y en a qui n'en parler, d'autres qui ne peuvent pas en parler. Ah, mais je vais pas me retarder. Je travaille de même. Des événements politiques, vous allez vivre des événements économiques, vous allez vivre des vies matérielles, juste son dénouement total. Puis la préparation que vous avez va vous amener à pouvoir passer à travers ces événements-là, de sorte que dans les années qui viennent, au lieu de vivre une vie anxieuse, comme les gens vivent, là, vous allez vivre une vie de plus en plus libre, de plus en plus libre, de plus en plus libre, de sorte qu'il n'y aura plus rien là pour vous autres. Parce que vous pensez par quoi dans le monde? Vous allez savoir que c'est dit, vous allez comprendre, vous allez interpréter correctement. Puis là, à ce point-là, vous allez avoir des intuitions à l'avance, ce qui va se passer. Vos facultés vont se développer. Il y a bien des choses que je ne peux pas vous dire qui vont se produire dans vos vies liées à d'autres activités, d'autres plans de vie, les propres activités. Non, mais moi, je veux dire, ça m'a dit tantôt que le figure à la communauté. Je vais vous dire une chose. Quand tu es là, tu es encore plus proche de vous autres qu'aujourd'hui. sacrifice-là, là. C'est un mot du bon sens. On va avoir la vérité à ses portes. Il y avait plus besoin de parler. Ouais. Anticipez pas. Essayez pas de comprendre l'avenir. Anticipez pas. Tenez, blé, du coup. Est-ce qu'ils vont vous accrocher là-dedans? Ça, je te l'ai déjà fait comme si vous n'allez pas la rencontrer. Ah, oh, c'est drôle, la vie. Il y avait pas des qui ont été chambardés avant de me rencontrer. Mais t'as été content de me rencontrer. Après tout son chambardement tout seul. Comment quelqu'un qui le comprenait dans son chambardement. Quand tu chambardes tout seul, tu n'as pas. Quand tu rencontres un autre fou, tu penses. T'as deux bons guerriers, ça venait des bonnes à compter. Ah, c'est là. C'est un grand ami pour vous autres. Ben, pas parce que c'est une autre sorte de grand ami pour vous autres. Moi, je connais pas, je sais pas comment c'est pour vous. Je peux pas imaginer vos vies, comment est-ce que vous vivez vos vies dans cette expérience-là. Mais je peux m'imaginer que ça doit être intéressant. Je sais pas comment. Ça doit être comme un gros party. Parce que c'est pas une association, c'est pas une école, c'est pas une religion, c'est pas un groupe. C'est que des hommes sont sans même longueur. C'est pas des associations. C'est pas être accroché. Mais moi, je viens de m'apercevoir que ma fille, j'aime ça. Écoutez parler. Parce qu'on va aller. Vous pensez rien, là? Non. Parce que je sais que je le sais. C'est vibratoire. Comme quand tu me parles, puis là, tu me parles. Je comprends pas ce que tu me dis. Je peux pas être content. Quand vous me parlez, là, vous me demandez des questions, je comprends rien, je vous réponds. Je comprends rien. J'ai pas de mémoire, il y a rien. Ça part. Là, c'est le fun. Vous dites que j'aime ça, ça c'est le fun. Il est là, c'est lui. Après ça, je sais plus de lui. Ouais, ouais, ouais. Mais ce que je suis, voyant, l'entendre, je sais. Ouais, ouais. C'est tout vibratoire. Moi, je suis assez sans dessin, là, je suis. Ben oui, mais si je dis à tout le monde que je comprends rien, il me dit que je suis sans dessin. Ouais, ouais. Mais moi, si je dis que je suis sans dessin, si, c'est pas ça. Il y a un jeu, je ne sais pas. Non, c'est pas. Non, mais c'est bien sûr qu'il y a des valises, quand même. Oui, madame. Faites attention à votre intérêt. Rationalisme. C'est rationalisé. Faites attention à ça, c'est mortel. C'est mortel. Quand vous charriez, ça. Rationalisez pas. C'est tout vous, c'est manteau bleu. Tu vas faire le l'intérêt qu'on peut dire, comme des gaufres, on peut arriver avec le l'intérêt qu'on peut faire. Vous n'avez pas l'intérêt, vous n'avez pas l'intérêt. Non, mais vous avez arrêté de rationaliser. Ah, vous allez arrêter de rationaliser au fur et à mesure que votre commentaire va se développer. Il avait à rendre déjà, vous savez. Pas d'éducation, pas d'éducation. L'humanité n'a pas encore ce qu'on appelle le droit d'aîné. Si une race, quand une race a le droit d'aîné, elle ne peut plus perdre son énergie. Elle monte. Et tant qu'une race n'est pas arrivée à un certain niveau d'évolution, elle viendra avec la septième race de l'âme. Elle n'a pas son droit d'aîné. L'humanité aura le droit d'aîné avec la septième race. Dans la sixième race, ils vont retourner à la magie noire. Donc, ces gens-là vont évoluer, ils vont perdre ce qu'ils avaient acquis comme les. Ils vont se diviser les autres, ils vont se séparer. C'est pour ça qu'ils vont avoir un sanctif encore. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est magnifique. Parce que l'humanité n'a pas besoin d'aînés. Parce que lorsque l'humanité a besoin d'aînés, il évolue sa voiture. Ça avance. Si tu passes ton bon travail, tu vas mourir. Ils vont évoluer sur d'autres planètes. Ça dépend de leur évolution spirituelle. Parce que durant le cycle qui vient, il va y avoir un grand contrôle sur les incarnations sur la Terre pour retarder. Pour retarder l'évolution de la planète. C'est pour ça que beaucoup d'individus vont être envoyés sur d'autres planètes pour retarder l'évolution.